soirée enfermé dans cette chambre, à tourner mes pensées, à essayer de comprendre ce qui l'anime en moi, ces mélanges de mots. Tout ce que j'écris là, ce qu'elle sort de mon cerveau, la haine de cette société que je ne comprends pas, où le pouvoir est à l'argent et aux médias, autant de corruption et de manipulation. On ne sait plus à qui se fier aux élections. C'est ma haine que je sens au fond de moi, elle me parle, je l'entends, elle grandit dans mes doigts. C'est ma haine et j'apprends qu'elle est bien là. Elle m'insuffle ses paroles, parfois elle me guide mes pas. Partout, on comprend plus ce qui se passe. On chie les mendiants, les fumeurs et j'en passe. L'insécurité augmente le nombre de keufs aussi. Mais où va la France pour devoir se tenir ainsi? Allez, tiens-toi tranquille quand tu leur parles. Maintenant, ces gens-là te respectent la coupe. Là, je vois le que la jeunesse brille sur notre pays, dans le rang. Mets-toi vite avant qu'ils ne t'aient aussi. C'est ma haine que je sens au fond de moi. Elle me parle, je l'entends. Elle grandit dans mes doigts. C'est ma haine et j'apprends qu'elle est bien là. Elle m'insuffle ses paroles, parfois elle me guide mes pas. Après tout, faudrait que je la garde pour moi. Mais là je peux vraiment pas, c'est vital, c'est comme ça. Je hais soudain mes parents de m'avoir fait naître. Je hais aussi tous ces gens qui ne jugent que par leur être et qui sur ta tête se baseront en premier. Allez, enlève ta casquette quand tu veux leur parler. Discrimination faciale à longueur de journée. Comment vivre heureux dans un tel merdier? C'est même que je sens au fond de moi. Elle me parle, je l'entends, elle grandit dans mes doigts. C'est réel et j'apprends qu'elle est bien là. Elle m'insulte ses paroles, parfois elle me guide mes pas. Qui ne vont pas voter uniquement qu'un problème pour pas laisser Le Pen passer. Si tu vas voter que pour faire barrage à cela, c'est pas une solution. Non, il faut pas s'arrêter là. Et y'a pas que ton président qui te représentera. Heureusement d'ailleurs, car là je sais pas où on va. Ouais non, là je sais pas où on va. C'est la nature humaine, comment l'inverser? Répondre à la violence par nos haines en silence. Les garder bien cachés ou les laisser s'envoler. Mieux vaut concentrer nos haines contre cette gangrène qui de partout nous assaille et que l'on appelle FN. Il faudrait qu'ils entendent que notre colère gronde. Qu'on est tous ensemble, on est citoyens du monde. On est tous ensemble, on est citoyens du monde. On est tous ensemble, on est citoyens du monde.